Le 3 septembre, les membres de la délégation de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon qui ont participé à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung ont eu une entrevue avec un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Kim Yong-ju, président du présidium du comité central de l'Union et autres membres de la délégation, ont qualifié la 9e conférence de meeting qui a montré la fidélité, la foi et la volonté des jeunes avant-garde d'honorer toujours les grands hommes Baek-tusan et de parachever l'œuvre révolutionnaire du Tse. Ils ont exprimé la détermination de la nouvelle génération de ne pas oublier la confiance et l'amour des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il et de montrer l'esprit et l'aspect nouveau du mouvement de la jeunesse coréenne au Japon de la glorieuse époque Kim Jong-un.